L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapricornFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Open Skype, tous les dimanches de 17h à 19h sur Radio Actif. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Et c'est maintenant, ça commence. Voilà, donc connectez-vous sur Skype et dès que vous entendrez donc le message, ça sera à vous pour 4 minutes. Nous avons déjà un auditeur, donc il va y avoir de la musique de fond. Voilà, donc c'est parti pour Open Skype. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Bonjour, il y en a marre de ces politiciens opportunistes qui nous mentent à chaque fois sur ces problèmes de société en faisant passer avec leur gueule de politiquement correct des arguments qui ne sont que des contre-vérités bien ficelées, n'ayant pour but final que de servir les capitalistes. Ce qui se passe dernièrement avec les retraités en est le bel exemple. Retraite, il y a plus d'argent dans les caisses, évidemment, car les boucliers fiscaux sont pour les riches. Les sociétés profitent de leur exemption et ou délocalisent à tour de bras dans des pays comme le Maghreb, en obtenant des subsides. Par contre, pour aider les banques, qui se gavent sur l'endettement des pays, il y a de l'argent. Tout cet argent n'est plus que la plus value volée aux travailleurs. La cerise pour les travailleurs n'est qu'une plus grande précarité. Alors pour intervenir, c'est simple, connectez-vous sur Skype, vous recherchez radio.actif et vous faites une demande, vous faites simplement, vous contactez Radioactif, vous écrivez simplement que vous voulez participer à l'émission et on vous appelle dès que la place est libre. C'est à vous pour 4 minutes, donc n'hésitez pas, appelez. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Radioactif. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Allez, salut. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Ouais, Jens, tu es là ? Je t'écoute. Ah, ça va. Je voulais discuter justement des syndicats. Donc, d'accord. De ce que j'ai bien pu comprendre, vous avez un syndicat. Ben, c'est nous-mêmes qui constituons donc une association syndicale directement. Parce que donc on constate très bien que donc les syndicats classiques ne sont plus du tout actifs dans leur propre société, même dans les questions nationales. Donc c'est à nous en tant que salariés ouvriers de prendre les outils syndicaux dans chaque société pour faire valoir nos droits, ouais, parce qu'il y a moyen. Et moi personnellement, je me suis jamais syndiqué parce que ça m'a jamais plu l'attitude des gros syndicats vis-à-vis de beaucoup de questions, et souvent j'ai l'impression qu'ils abandonnent les salariés en fin de compte et qu'ils sont pas toujours du côté des gens, des ouvriers, et pas du côté des voilà. Donc on le voit bien quoi. J'ai plus l'impression souvent que ce sont des gens qui cherchent à faire du profit. Je recoupe un peu l'idée de ce que tu avances. Regarde ce qui se passe d'abord au niveau national, ce qui s'est passé récemment avec deux syndicats principalement donc à Dunkerque chez Total, où ils avaient lancé donc la grève, donc en disant justement ce qu'il fallait dire au départ, mais ils savaient très bien que donc même en lançant donc une grève nationale, ils ne servent qu'à une chose aujourd'hui, c'est donc avec leur attitude défaitiste et fausse vis-à-vis des salariés, donc de donner des fausses impressions de ce qu'il faudrait faire. Et ils lâchent carrément les salariés à la fin, tout à fait. Ouais. Maintenant, ceci est vrai également. Oui, vas-y. Excusez-moi. Mais vous pensez que il faut automatiquement rentrer dans une grève, dans une situation de conflit, toujours être en train de descendre le patronat, ou il faut plutôt chercher à discuter et avoir une relation complice avec l'entreprise, que le syndicat et l'entreprise soient complices et qu'ils marchent ensemble correctement? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça existe? Je dirais dans la pratique non. Donc je vais reprendre les deux points que tu énonces. Un, donc la grève. Non, je n'y crois pas qu'il faut aboutir directement donc à une grève tout de suite. Il faut préparer le terrain et utiliser ce moyen-là par excellence en dernier recours, mais donc d'une manière, disons, plus globale. Première chose à faire, et c'est là où je veux en venir, donc quand vous prenez vous-même les outils syndicaux dans les sociétés, il y a moyen déjà, pas de négocier avec le patronat, mais de vraiment faire valoir tes droits, parce que donc en définitive, il n'y a pas de discussion possible dans la pratique. Moi, je l'ai vécu déjà pendant 2 ans. C'est simplement penser que donc on puisse discuter avec un patron, c'est pas tout à fait ça. Donc la connivence avec le patron ne nous aidera en rien. Il y a vraiment une lutte des classes. Moi, je pensais également, comme toi, comme tu le disais, donc au départ on pouvait discuter. C'est faux. La lutte des classes est d'autant plus vraie aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais pourtant, je sais pas si mon idée elle va être réciproque, mais moi je trouve vraiment que les gens aujourd'hui, surtout les ouvriers et les patrons, ou si on veut dire les cadres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aujourd'hui un fossé dans la hiérarchie, dans les entreprises. J'ai l'impression que souvent on méprise le petit personnel, on méprise les gens qui travaillent avec leurs mains, les gens qui travaillent dur. Est-ce que ça, vous en avez pas l'impression? Et j'ai l'impression que ces gens-là, eux, on les défend de moins en moins. Moi, je vous parle du brave ouvrier qui se lève pour 1 200 euros, qui a des problèmes financiers, qui galère. Et voilà, c'est ce gars-là qui a pas grand chose pour lui, il a pas fait des études, il est peut-être pas très malin, il connaît pas les droits. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins défendus. De moins en moins. Exactement. C'est à nous de nous instruire nous-mêmes, pour prendre donc ces outils syndicaux en main. Parce que c'est là où il y a moyen de faire avancer les choses. tout simplement en prenant le code du travail, en prenant donc le travail syndical de base, en quoi ça consiste dans les sociétés. C'est de faire fonctionner en fonction de la taille de ta société. Si tu as moins de 50 personnes, moins de 11 personnes, c'est les seuils généralement 500 personnes ou différentes instances, donc des instances représentatives comme les IRP, donc les délégués du personnel en première instance, doivent fonctionner. Si tu es dans une société où donc tu as des délégués du personnel qui sont présents, il faut les bombarder avec des questions qui sont relatives à ton travail de base. Comme tu disais, comme le petit travailleur, mais c'est pas, je dirais, péjoratif qu'il faut dire petit travailleur. Au contraire, parce que c'est grâce à notre travail de petits travailleurs qui prennent leurs bénéfices, qui reversent plutôt donc en préférence aux actionnaires et à eux-mêmes. Nous, on restera donc avec des petits salaires, effectivement, aujourd'hui. Donc de 1200 net, 1400 net, et essayons de voir ça sur Paris. Quand tu dois louer donc un appartement, salaire, tu peux plus. Donc à ce moment-là, il faut être à deux, et à deux, on n'y arrive même plus aujourd'hui. Mais donc on n'entend pas la population parler de ces problèmes. Donc il y en a un ras-le-bol complet. Donc on prend distance du monde du travail, mais c'est notre outil aujourd'hui. Donc on est entre guillemets quelque part défaitiste parce qu'on se rassemble pas pour faire valoir nos droits. Donc première chose à faire quand tu es dans une société, c'est de vraiment faire fonctionner ces délégués du personnel avec des questions vis-à-vis de différents sujets. Il faut savoir que quand tu as donc une réunion de délégués du personnel, toute question qui est posée par un membre du personnel doit être écoutée et répondue, et également déjà par écrit. Donc si tu as donc un manque, je dirais, donc sur un plateau de centre d'appel, par exemple de toilettes, ceci dit, ça va faire comme quoi donc on a des queues directement devant les toilettes. C'est normal. Donc après, les délégués du personnel pourront, quand il y a cette question qui est posée, aller plus loin dans un autre IRP, l'instance représentative du personnel, qui s'appelle le CHT. Donc c'est tout ce qui concerne la sécurité, le bien-être au travail ou le mal-être au travail qui doit être analysé par cette instance. Et il faut jamais se dire qu'on n'est pas malin. Non, il faut s'intéresser. C'est des choses simples. Il faut lire. Il y a Internet aujourd'hui. Vous avez des délégués du personnel. Il faut leur poser les questions adéquates pour vous faire expliquer toutes ces instances. Pareil pour un CE, donc un comité d'entreprise. D'accord, mais par exemple, un salarié qui a des délégués du personnel, bien sûr, mais ces délégués du personnel, ils répondent pas à ses besoins. C'est des gens qui se fichent un peu de ses problèmes. Comment il peut faire? C'est quoi la seule solution, ou les solutions qu'il peut avoir? Déjà, donc une des solutions principales, c'est quand il y a des élections, de faire chuter ces personnes qui ne font rien dans leur société. Il faut vous présenter vous-même. Donc il faut savoir vous-même que quand vous êtes à plusieurs, donc qui ont la même croyance dans une société, comme quoi il faut faire bouger les choses, sachez que donc généralement quand on se présente en tant que groupe au deuxième tour des élections, ce groupe généralement peut rafler entre 10 et 30% des voix. Et donc là vous êtes représentatif et c'est là que vous pouvez commencer à travailler également. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Et vous serez protégé. Parce que donc là, même là, on pourra pas vous toucher pendant 6 mois. Après, imaginons que vous soyez pas élu. Ben, vous êtes toujours protégé comme un délégué du syndical ou un délégué du personnel, minimum 6 mois après les élections. Ah, je ne le savais pas ça. Ah, d'accord. Donc il faut absolument faire jouer tout ça. Tu vois, donc il y a des choses très simples. Et quand vous bombardez les délégués du personnel de questions, ça doit être notifié et un rapport. Il doit venir avec ce rapport de réponse de la direction vers vous. Ça doit être affiché sur les panneaux d'affichage. N'importe quelle question doit être abordée, même si tu demandes combien gagne donc un patron, par exemple. Donc cette question-là doit être répondue. Ils peuvent tout simplement dire, ça n'a rien à voir, ça, on vous le dira pas, mais au moins ils doivent vous répondre. D'accord. Tu tu vois. Mais donc, parlons un petit peu des choses concrètes dans ta société, sans la nommer. Dis-moi un petit peu avec quoi tu es confronté. Bien souvent, bah, c'est tout simplement des fois des problèmes avec, avec la hiérarchie. On voit que la hiérarchie profite de la, comment dire, profite de la faiblesse de certains collègues du travail pour les rabaisser ou les sanctionner injustement. Et et bien souvent, bah, les représentants du personnel font pas grand chose, font même rien. D'accord. Donc c'est-à-dire des actions inutiles ou bien souvent des actions inutiles. Donne-moi un cas concret. Est-ce que tu as un exemple? Donc rabaisser ou réprimander un salarié, comment ça se passe? Bien par exemple, comment dire? Eh bien par exemple, il y a quelqu'un qui arrivait assez régulièrement en retard au travail. D'accord. Et bon, c'était quelqu'un qui était assez bien avec sa hiérarchie, donc jusque là aucun problème, on lui a rien reproché. Par contre, il y avait un ouvrier qui était assez forte tête, qui lui, bah, il lui a répondu, et enfin il a répondu à sa hiérarchie, disons mal quoi, le jour où il arrive en retard. Et tout de suite, lui, on l'a sanctionné par une lettre. On l'a convoqué, il a reçu une lettre en recommandé chez lui, juste pour parce qu'il avait injuré quelqu'un de sa hiérarchie. Il est arrivé en retard, on l'a embêté, il s'est pas laissé faire et il a été sanctionné. Juste pour, voilà, nous ce qu'on voit c'est qu'ils ont rien fait les représentants, et ce qu'on voit c'est que bah, mieux vaut être bien avec sa hiérarchie, mieux vaut être bien avec son entreprise, parce que sinon, bah, de toute façon on se fera toujours descendre. Ah, c'est le sentiment qu'on a dans les cas là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ben je reprends donc ton exemple. Donc il faut toujours être bien avec sa hiérarchie. Non, ne fais pas ça, parce que c'est simplement... Pour toi, tu vas avoir quand même des problèmes à un certain moment. C'est comme ça qu'il fonctionne d'abord pour vous dissocier d'un groupe que vous pouvez créer. Parce qu'en fait, ils vous font miroiter comme quoi, en étant, comme tu dis, bien avec la hiérarchie, en dénonçant certaines pratiques d'autres collègues, eh bien, donc à ce moment-là, vous allez disloquer un mouvement global, général, possible. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, revenons sur ce que tu m'as dit. Donc là, donc avec la personne qui arrive en retard, il faut bien regarder comment le retard est notifié. Est-ce que c'est une pointeuse que vous avez ou pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est une pointeuse. D'accord. Ok. Et donc le retard notifié, il était de combien et combien de fois dans le mois? Bah, de la personne qui a été sanctionnée de façon injustifiée, bah c'était la première fois dans le mois et c'était d'une heure. Une heure, et c'était dû à un retard de train, encore une fois, ou autre chose? Une raison bien simple, c'est tout simplement que cette personne, elle s'est pas réveillée le jour-là, elle avait fait la fête la veille, et chose qui est arrivée à beaucoup de gens, hein, tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était la première fois que c'est arrivé. Alors très bien, voilà. Donc première chose à faire à ce moment-là, donc effectivement, si ça arrive, hein, donc le patron a le droit de sanctionner ce retard, donc déjà par un avertissement, d'accord? Donc l'avertissement, il est notifié par lettre recommandée en accusé de réception. Et il faut savoir que donc le patron... Et c'est là que donc il va retorquer. Là, il a encore plus de droits pour sanctionner. Mais bien souvent, on remarque que, pour parler en général, dans les sociétés françaises, les grosses sociétés, bien souvent, ou les moyennes, hein, c'est que souvent ils jouent beaucoup avec les nerfs des gens, à les faire craquer. Aujourd'hui, on arrive à faire partie de quelqu'un d'une société sans le licencier, rien qu'en le harcelant. Enfin, voilà, mais c'est toujours le harcèlement, il y a une limite, mais ils arrivent toujours à pousser les gens à bout, mais intelligemment. C'est ce que je vois, moi, aujourd'hui. C'est que c'est très difficile, lui, bien sûr, de pas répondre, mais c'est très difficile de combattre les gens-là, parce qu'ils passent maître. Et de plus en plus, ils sont de plus en plus maîtres dans le domaine-là, je trouve, le patronat. De jouer avec les mots, c'est ça, hein, bien souvent. Exactement, et c'est là où Actif joue un rôle, parce qu'on peut vous conseiller des actions supplémentaires et comment se présenter dans ces entretiens préalables ou autres, s'il y en a un, mais au moins comment réagir vis-à-vis du patronat sans provoquer des fautes qui vont nous être impliquées ou invoquées par après quand on sera devant les prud'hommes, par exemple. Mais au moins d'avoir une stratégie bien claire, nette, pour faire tomber le patronat lui-même dans des fautes. Et ça, on le voit déjà dans les actions. C'est vraiment très intéressant, oui. Ça, ce que vous me dites, parce que bien souvent, j'ai des questions, à poser, mais je préfère les poser de façon anonyme ou pas à mon. Pas, je veux pas que mon entreprise le sache, les représentants. C'est intéressant quoi, qu'on puisse venir vous consulter pour donc déjà, questions. Justement, ces points-là, tu dois les faire passer par les délégués du personnel. Et les délégués du personnel ont un devoir de confidentialité de qui pose la question. Ils sont protégés pour ça, par le droit français du travail. Donc n'importe quel droit du travail, justement, protège ces personnes pour pouvoir poser d'une manière anonyme vis-à-vis du salarié qui pose la question, justement son grief, et donc il a le droit de poser cette question sans être sanctionné. Donc tu comprends très bien que donc ces gens-là, ils peuvent jouer donc un double rôle, et c'est là où il faut déjouer leur stratégie. Ils vont poser soi-disant les questions qu'il faut. S'ils veulent jouer avec le patronat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un tri des questions et ne pas remonter les vraies questions. Et c'est là que vous devez tous intervenir solidairement en tant que salarié vis-à-vis de votre délégué du personnel. Parce qu'il sait très bien que s'ils jouent pas le rôle, ils vont perdre leur protection après 4 ans. Après 4 ans, il y a toujours des élections. Donc c'est ça qu'il faut préparer. D'accord. Tu vois, donc, et il faut pas hésiter à intervenir avec Actif, par exemple, justement, qui vous conseillera en tant que camarade, copain, pour intervenir dans ces structures, pour les faire bouger, parce que c'est le seul moyen que nous on a. Et vous, il faut savoir vous que êtes, donc, oui, vas-y. Êtes, pardon, excusez-moi. À chaque fois, c'est sûrement à cause du. Non, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé. Et je repasse d'un autre sujet, mais là, ça devient de la curiosité. Enfin, vous avez créé un syndicat? Comment se crée un syndicat? Comment il se subventionne? Comment vous faites pour, comment ça se passe un syndicat en France? Déjà, donc, je reviens un petit peu sur l'historique des syndicats en France. Donc, il faut savoir qu'il y a des syndicats soi-disant représentatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'emblée, alors, elle retient également une date, c'est fin août 2008, hein, il y a eu un changement dans la loi du Code du travail avec les syndicats. Alors, après la guerre, il y a eu, par définition, 4 syndicats qui ont été représentatifs. D'emblée, ils pouvaient représenter le personnel, même s'ils n'avaient pas, disons, de membres notoires dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils avaient 3 adhérents. Peu importe, ils étaient représentatifs pour la société, même si elle en avait 400, 500 personnes. Qui sont ces syndicats? Ben, c'est les syndicats classiques, comme la CGT, CFDT, FO, et donc CFTC. Hein, donc, c'est donc les 4 syndicats qui d'emblée étaient représentatifs. Après les grèves des camionnettes jaunes de la Poste, il y a eu donc le mouvement suite à une scission de la CFDT, il y a eu Sud qui s'est présenté, Sud est monté, mais au départ et toujours maintenant, ils sont pas représentatifs. Donc même ils peuvent avoir 500 membres adhérents dans une société jusqu'à 2008, donc même s'il y avait 1000 personnes dans la société, ils n'étaient pas représentatifs. Il y a eu un changement dans la loi en 2008. Dans chaque société où donc des IRP peuvent être créés, c'est-à-dire donc les seuils, je dirais donc idéaux, c'est 50 personnes, donc pour une société. Donc là, on doit constituer des délégués du personnel, un CE et puis aussi bien donc un CHET. Bien, qu'est-ce qui s'est produit en 2008 avec la nouvelle loi? On dit tout simplement quand il y a des élections. Il faut que chaque syndicat dépasse les 10% au premier tour des élections sur les votes exprimés. Donc ça veut dire que donc un syndicat, même FO, CGT, CFDT, par exemple, s'ils sont en dessous de la barre des 10% au premier tour, ils sont plus représentatifs. La liste qui n'était pas représentative, comme par exemple le Sud, pouvait le devenir, ou donc la CNT, par exemple, pareil, hein, c'est des petits syndicats qui sont pas représentatifs. Donc ça te donne déjà donc une première explication des syndicats, quel est le seuil de représentativité aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, pourquoi Actif s'est mis en route? Parce que donc on a pu constater, malgré un travail de terrain fort, même dans certains syndicats qui devraient être, je dirais, plutôt revendicatifs, ben donc on a pu constater, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est généralement des gens qui sont en connivence avec la direction, qui nous défendent pas, et ainsi de suite. Donc je dirais même que le terme d'embourgeoisement n'est pas du tout déplacé. Au contraire. Donc ils font le jeu du patronat, tout simplement. Et c'est une des raisons pourquoi il y a aussi peu de représentants vraiment actifs et aussi aussi peu de membres actifs ou membres tout simplement dans un syndicat. Donc un syndicat peut se constituer, tu verras les textes de loi, tout simplement en ayant minimum deux personnes avec un troisième, mais donc avec des fonctions bien précises hein, qui se réunissent et qui constituent donc un syndicat. Ils peuvent le faire, faut savoir. Comment se finance donc un syndicat? Tout simplement par le biais de quoi? Des adhésions. Donc les cotisations, c'est donc chez nous 9,90€ par mois. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à l'hébergement de notre radio, du site internet. Quand on doit intervenir avec des avocats, de rediriger la personne vers le bon avocat, donc d'avoir donc des frais qu'on peut amortir avec ces cotisations telles que des tracts et ainsi de suite. Maintenant, sachez que donc par le biais d'internet, ces frais sont énormément réduits parce qu'on ne doit plus passer par des imprimantes et ainsi de suite ou des photocopieurs. Mais donc il faut savoir que Actif n'a pas de subvention de l'État. Aujourd'hui, les 3-4 syndicats représentatifs, il faut savoir qu'ils obtiennent des subventions très importantes. Sur l'année, la CGT ramasse donc 800 000 € de subventions de l'État. Et faut un peu moins. La CFDT a aussi un peu moins. Pour la première fois, Sud, qui n'obtenait jamais de subvention de l'État, l'a obtenu fin de l'année dernière. Fin décembre 2009, ils ont obtenu une subside de l'État de 300 000 €. Alors, il faut m'expliquer comment tu peux jouer d'une manière indépendante si donc tu es subventionné à cette hauteur-là par l'État. Bah oui, qui va te dire... Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. C'est clair. Poste à jouer, hein, n'oublie pas. Et tu peux les faire chavirer très vite. Hein. Parce qu'un délégué du personnel, s'il ne remonte pas les questions... Oui, vas-y. Mais des syndicats, ils ont une orientation politique aussi. Bah, donc l'orientation politique, c'est indéniable. Donc par derrière, même s'ils disent qu'ils sont indépendants, ils ont une orientation politique. Voilà, tu as quand même quelque part une conviction et un système de logique hein, donc à gérer par derrière pour trouver donc la solution. Moi, je dirais que donc Actif pour moi, donc en tant que personne, moi je suis d'une orientation communiste extrême gauche. Hein, je vais te l'avouer directement. Pourquoi? Parce que quand fais l'analyse, non mais c'est bien ce que il faut comme ça. Mais quand tu regardes la CGT, ouais. Je trouve que c'est vas-y. C'est toujours comme ça. Enfin, bien souvent les syndicats, ils sont toujours d'extrême gauche. Non, du tout. Parce que si tu fais l'analyse, non, du tout. Même la CGT a perdu complètement son âme. Pardon, donc je suis pas très bien renseigné sur le sujet non plus, mais non, Non, du tout. Tu verras pourquoi. Parce que donc, quand tu regardes ce qui s'est passé donc avec Total, aussi bien donc leur vision sur les retraites actuellement, le seul qui est un peu plus orienté gauche hein, dans les faits, c'est donc Solidaire. Mais c'est le seul qui a encore une vision un peu plus dans le sens communiste. J'y reviendrai dessus. Ou la CNT, hein, donc le syndicat anarchiste. Donc la CNT est un tout petit syndicat, mais ils ont gardé vraiment leur vision de base communiste. sachant que donc le communisme n'est pas un mal, hein, c'est au contraire, c'est justement la solution à tous nos problèmes. Après c'est chacun, c'est communisme, c'est pas un mal, c'est pas un mal du tout. Si ça marcherait, je le saurais, je serais communiste. Oui. Si ça marcherait, si ce serait possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mm. Surtout aujourd'hui, je vois des gens qui c'est encore, il y a encore beaucoup de trotskistes aujourd'hui. Je sais pas comment c'est possible de croire encore au trotskisme dans le monde aujourd'hui. Ça n'arrivera jamais. Tout est l'inverse aujourd'hui. Hein. Si tu regardes, donc, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait au départ avec les syndicats classiques, donc avec certains exemples comme ce qui s'est produit avec les Total, Philips Dreux, maintenant les retraites, on savait déjà il y a plus de 3-4 semaines que les syndicats allaient plier pour les revendications de l'État. Donc il fallait négocier sur les retraites directement, tout en sachant que donc les solutions sont complètement différentes. C'est une conviction actuellement qu'il faut discuter de retraites, tandis que donc les retraites actuellement, donc on peut les laisser telles quelles, mais il faut chercher les bas salaires, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'après vous? Parce que ça, c'est une bonne question. Comment on pourrait faire aujourd'hui pour inciter justement les entreprises à mieux payer leurs salariés, à arrêter de les sous-payer? Déjà, première chose donc à faire dans les sociétés, les différentes sociétés, c'est de respecter vraiment les horaires imposés. Si on te demande de travailler, par exemple, de 9h à 17h, c'est de faire de 9h à 17h, tu ne travailles pas une minute de plus. T'es payé, t'es engagé, t'as un contrat pour de 9h à 17h. Point. Ah, ça. Donner donc un quart d'heure de plus. Moi, ouais. Voilà, ça c'est déjà donc la première chose à faire. Pourquoi? Parce que donc à partir de là, quand tu travailles d'une autre façon, ils vont devoir te demander des heures supplémentaires. Et donc là, tu peux passer par le biais des délégués du personnel, de nouveau faire notifier que donc il y a des gens qui travaillent plus que donc les 7h35 par jour. Donc il y a d'autres barèmes qui sont d'application. Et ils vont te faire signer à ce moment-là une décharge, comme quoi tu as travaillé de 9h à 17h, par exemple. Donc ça, c'est déjà une première chose à faire tomber, parce qu'il y a des conventions collectives qui sont applicables aujourd'hui. À ce moment-là, il faut les faire valoir. Et puis après, donc ces questions-là, tu peux les remonter directement à l'inspection du travail. L'inspection du travail traitera ta demande d'une manière anonyme et posera la question par après aussi bien à ta direction d'une manière anonyme, en passant uniquement par leur pouvoir d'inspecteur du travail, tu vois. Et ils vont se poser des questions. D'accord. Ça, c'est déjà une première chose à faire. C'est vrai que c'est des choses-là, tout le monde tombe dans le panneau. Enfin, tout le monde dans le panneau. Vous savez, on a une conscience professionnelle, tous. Et il y a beaucoup de gens qui restent, qui font un peu de bénévolat pour leur entreprise. Moi-même, hein, on reste. Je dirais quelques minutes, tu peux, hein, mais donc c'est pas donc chaque jour un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, parce que donc par après, quand il y a contestation, ils vont te dire simplement, il était d'accord de le faire, et je l'y ai pas obligé. Hein. Ouais, mais après, bien c'est souvent, là où tu dois te dire. C'est bien souvent, du coup, enfin, ce que vous dites là, c'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que le salarié qui s'implique pas, qui reste pas tous les jours le petit quart d'heure, si on lui avait promis une augmentation ou une promotion, bien souvent on joue avec ça. On dit voilà, on t'augmentera pas cette année ou tu n'auras pas ça parce que t'as pas fait comme ça. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être du côté des quand des on voit la réalité. Ou... C'est parce que je le vois bien ça aussi. Déjà, il faut qu'on se pose la question, est-ce que tu as travaillé un quart d'heure en obtenant donc une augmentation de salaire, donc chaque jour, imaginons que tu travailles un quart d'heure de plus, est-ce que pour cela donc le patron t'a donné une augmentation de salaire en fin d'année ou une prime? Non. Voilà, donc là on est trop gentil, c'est-à-dire que donc il a un droit sur nous, on vend notre travail, je donne les horaires hein, de 9h à 17h comme exemple. Ça peut être différent dans ton cas. Mais au moins, si tout le monde appliquerait la même chose en tant que salarié. Déjà, il peut dire en tant que patron, je peux pas demander plus à mes salariés, si ce n'est que donc par le biais d'heures supplémentaires réellement payées. Et c'est ça qu'il faut faire valoir, fur et à mesure. C'est des petits combats, reprendre donc le terrain et gagner sur ces petites choses. Parce que c'est là, quand il va voir que donc il y a la majorité des salariés qui vont lui dire non mais attendez, nous on veut pas travailler plus, hein, donc là il faudra donner donc une prime supplémentaire. Là, dans la partie CE, donc comité d'entreprise par exemple, ou les délégués du personnel situés en dessous des seuils de 50 à et jusqu'à 11 personnes dans la société, là tu peux faire valoir ces droits de négociation en fin d'année. C'est à eux de négocier. Et là, encore une fois, il y a une responsabilité des syndicats. Il faut les faire bouger. Ils ont les possibilités. Et il y a des négociations annuelles obligatoires. Comme le dit le terme obligatoire, faisons valoir ces droits. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi pour dire que dans les... Pour les augmentations. Dans mon entreprise, je crois que c'est en ce moment. Ça se discute ou je ne sais plus. Voilà. Voilà, regarde bien ce que tu as dit. Ça sert en ce moment, ça se discute, mais je ne sais pas où. C'est là. C'est à nous de s'intéresser, au moins poser des questions, sans que donc tu sois mis en danger. Hein, parce que c'est à eux de travailler. Donc tu as des requêtes avec tes collègues, discutez-en entre vous. Et donc là, faites valoir vos droits vis-à-vis du délégué du personnel pour savoir ce qui se passe réellement derrière les coulisses. D'accord, mais... Nous, généralement, les salariés, on n'ose pas trop poser de questions aux délégués du personnel parce que, pour nous, ils sont pourris. C'est des pourris. Ils sont plus copains avec certains responsables et c'est pas du tout des gens qui cherchent à être complices des salariés. Donc, on n'a même pas envie de les voir pour des questions toutes bêtes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais. Des gros problèmes dans les entreprises, mais c'est bien souvent, ça s'est accumulé, ça s'est amplifié, ça devient des gros soucis. Mais les représentants ne sont pas là. C'est ce qui se passe même au niveau national avec ces différentes instances, donc de syndicats. Donc, rappelle-toi une chose, il faut absolument leur poser des questions, tu as le droit, et c'est leur devoir d'y répondre. Il faut faire valoir ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si on a peur, ça veut dire que donc ces instances ne pourront jamais travailler correctement parce qu'ils vous défendent pas. Il faut les mettre sous pression. Ils font pas partie du patronat, hein, attention. Parce que s'ils font partie du patronat, vous pouvez les dénoncer également à l'inspection du travail dans le concret. Hein. Par exemple, s'ils défendent pas donc un salarié ou ils le défendent mal ou ils transmettent des informations, ce qui n'est pas rare non plus sur un salarié dans un dossier prud'homal, par exemple, ils ont une responsabilité également. Et ça va loin, parfois. Donc, on n'aura pas l'occasion d'en parler à la radio ouvertement de certains dossiers, mais donc, je peux te donner des exemples, donc, si on en parle donc directement sous quatre yeux, de notre propre société où on travaille. D'accord. Et ça fait peur, c'est sûr. Ça fait peur au syndicat, ça fait peur à la direction, parce que donc, il y a quelque chose qui se construit. Mais c'est ça, notre travail. C'est intéressant de voir quoi, quand on parle avec des syndicats, de voir que c'est bien différent de l'image qu'on en a. Il faut te mettre en relation justement et le voir dans le concret avec des personnes qui puissent agir dans le concret du quotidien sans bousculer trop au départ, mais voir comment mettre la pression sur ces DP, CE, CHT pour avoir un droit de regard, avoir un retour des informations, d'avoir des informations stratégiques, je dirais, donc au niveau du code du travail, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, par après interpeller l'inspection du travail, parce que donc c'est là que ça bouge. Et je peux te dire que donc avec des petits exemples, quand tu verras donc sur le concret, tu vas te dire oui, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait auparavant? C'est ça qu'ils sont en train de nous prendre. C'est ces possibilités-là, parce que donc le droit du travail doit exister. Et ces possibilités-là, si on nous les prend, on n'a plus rien pour se défendre, ce qui est le cas actuellement. Et ça va faire longtemps que vous existez, vous, Radioactif ? Donc, actif en tant que mouvement, c'est créé en fin d'année dernière, mais sur le terrain, on est déjà actif depuis grosso modo un an et demi, deux ans maintenant dans la société où on travaille. Par après, il y a d'autres contacts avec d'autres sociétés, toujours dans le domaine par exemple des télécommunications, contact avec l'étranger, avec le Maroc. Donc on a quelques collègues avec lesquels on travaille d'une manière très étroite pour défendre nos intérêts communs de société. On a des contacts également avec d'autres plateformes de téléconseil, hotline comme on dit, centre d'appel, comme Téléperformance, Webhelp et ainsi de suite, tu vois. Donc les gens se parlent quand même entre eux. Maintenant, on a d'autres personnes qui sont actifs auprès de la Poste, dans les aussi bien donc dans la grande distribution. Mais donc parfois c'est une, deux personnes et ça commence fur et à mesure comme ça. Donc les gens doivent avoir les informations, comment travailler, avoir cette vision pour faire avancer les choses à notre avantage. Et on est aidé. C'est vrai que la Poste d'ailleurs, ils sont bien embêtés. Ils sont bien embêtés en fait. Tout à fait. Donc, et il faut savoir qu'il y a des syndicats qui sont bien installés. Il y a des camarades qui sont pas contents également, donc qui essayent de voir comment faire bouger les choses, qui prennent contact, qui nous donnent également des conseils, parce que donc là, on est dans le domaine de l'administration, donc on a aussi des collègues qui peuvent nous donner des renseignements. Il y a quelques inspecteurs du travail également qui sont en relation avec nous, avec des informations. Je dirais confidentiel, tout simplement. Donc, on peut travailler de la main dans la main avec certaines personnes. Il y a aussi certains militants politiques qui peuvent nous aider. Donc, de tous côtés, on a donc des informations qui tombent et on essaye de faire profiter justement les employés, les salariés des sociétés, mais sur le concret, pas sur quelque chose de vide. Ouais, donc, voilà. Là, pour c'est donner ça. Quand on regarde, pour te donner quand même, sans nous citer les noms et autres, donc personnellement, j'ai travaillé, donc comme je t'ai dit, depuis un an et demi, deux ans, sur des dossiers qui sont passés par après au Prud'homme. Il y a déjà deux dossiers qui sont passés, avec un qui est déjà jugé, donc avec des très bons résultats. Où au départ, la direction avait même affirmé de la tête haute, ce sera un dossier exemplaire pour vous montrer qu'on peut vous casser et qu'on va vous plumer. Donc c'est l'inverse qui s'est produit. Ils peuvent toujours aller en appel et autres, mais donc tant pis pour eux. Hein. Donc, ce sera donc avec d'autres éléments qu'on pourra mettre en évidence. Ça, c'est les procédures classiques. Hein. Donc tu peux passer par, je dirais, l'avertissement au départ. Donc si tu en as deux dans le même mois, ça devient déjà un peu plus problématique. Généralement, ça s'accompagne par un entretien préalable. L'entretien préalable, donc on peut accompagner le salarié. Il faut savoir que les délégués du personnel doivent le faire quand il y en a. Généralement, on voit donc que c'est très mal défendu. Mais donc là, on peut faire appel à d'autres camarades au sein de la société, hein, qui sont pas syndiqués. Ah. Tu peux faire accompagner par quelqu'un, justement, il faut le savoir. Donc n'importe quel salarié peut accompagner un autre salarié. Voilà. De préférence, on dira toujours c'est un délégué du personnel, mais et on peut te donner donc la formation pour ou donc les conseils, mais surtout une formation basique qui est très pratique, très simple, très courte pour comment accompagner un salarié un entretien préalable, se basant sur les expériences qu'on a déjà donc de d'autres dossiers. Donc par après, qu'est-ce qu'on peut avoir après l'entretien préalable? Ça passe au prud'homme, donc conciliation. La première étape, c'est la conciliation. Jugement par après. Par après, ça peut être porté devant un juge professionnel parce qu'il y a un délibéré à faire. Donc, quand il y a les deux juges, les prud'hommes, quand ils se sont pas d'accord, donc le juge patronal et le, je dirais, l'attendant juge de salarié ou vice versa. Hein, ça dépend de qui a la présidence de la séance des prud'hommes. Donc quand il y a égalité, ça passe devant un juge professionnel avant que ce soit complètement jugé. Quand il y a jugement, par après on peut passer à l'appel. Bon, là on intervient, c'est dans toutes les étapes successives, hein, même pour aider les copains devant avec un avocat. L'avocat, bon, il faudra le payer par vous-même, mais donc on voit donc les tarifs, comment ils sont négociés. On est arrivé à des tarifs plus bas que les syndicats négocient avec des bureaux d'avocats. Il faut savoir qu'un dossier prud'homal coûte 1500 euros si on travaille d'une manière normale. On a trouvé des avocats qui généralement prennent donc du 1200-800 euros, tout en ayant des très bons avocats et qui nous conseillent également. Parce que donc là, par après, quand ils voient qu'il y a des résultats derrière, ça les intéresse aussi. Surtout quand ils ont l'expérience avec une société contre laquelle ils ont déjà plaidé, ils peuvent prendre d'autres dossiers en main parce qu'ils connaissent déjà à fond le dossier. Donc, tu vois, donc et aussi une question, le topo. Vas-y. J'ai aussi une question. Il y a plein de gens qui se la posent à chaque fois et même moi, je ne sais même pas. Pour quand on quitte une entreprise purement et simplement, quand on démissionne d'une entreprise, on n'a pas ses droits. On dit souvent qu'on perd ses droits pendant un certain temps. Est-ce que c'est vrai ça? Et on peut rien faire, on peut jamais quitter une entreprise en gardant. Voilà, c'est ça, voilà la question. Mais souvent, on ne peut pas en fait. On ne peut jamais quitter une entreprise. Si, tu peux, parce que donc il faut pas oublier que donc le droit du travail, hein, depuis je dirais maintenant l'année dernière, tu as donc quelque chose qui s'appelle la rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, c'est un accord entre donc le patron et toi-même qui doit être respecté. Donc la procédure doit être respectée, c'est-à-dire donc l'inspection du travail est mise au courant, le document part donc au ministère du travail pour une demande d'autorisation de rupture conventionnelle. C'est bien délimité, mais là tu gardes tes droits. Donc généralement ça se négocie. Donc tu gardes tes droits à CEDIC. Tu as donc tes indemnités de licenciement comme si tu les avais eues. Plus de ça, donc on négocie généralement entre 2-3 mois, ce qui se passe dans la pratique, de salaire supplémentaire. Pour ne pas faire donc une procédure devant le prud'homal. Parce que généralement quand tu t'en vas, c'est parce que donc ou bien tu as déjà une autre proposition de travail autre part, bon, donc là il n'y a pas de souci. Mais si tu dis je suis harcelé ou autre, bah, donc là il faut épuiser donc tous les moyens de bord pour trouver donc une solution, et puis si on la trouve pas, donc déjà d'emblée on peut négocier donc une rupture de contractuel. Et là par contre tu gardes tes droits, CEDIC et assurance maladie et ainsi de suite. Donc ça aussi il faut le savoir. D'ailleurs bah, en ce moment que ça répond que c'est à important question. Quoi avec Ouais. C'est puis voilà, puis c'est important de le savoir, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau de l'emploi, tout ça, c'est dur d'avoir un emploi, c'est dur de partir d'une entreprise où on est malmené parce que voilà, les gens profitent de la situation qu'il y a avec l'emploi et voilà, donc on sait pas toujours comment faire. Complètement. On sait pas comment faire. Il y a plein. Voilà. Alors, pourquoi aussi la question là, je voulais vraiment la poser. Exactement, et tu as tout à fait raison, parce que donc en fait, si tu regardes bien dans la pratique, eux, ils ont bien des syndicats auxquels ils sont affiliés en tant que patronat, ils ont des avocats, ils sont bien structurés, tandis que nous, en tant que salariés, même le sentiment que tu as évoqué, hein, donc on n'est pas suivi par nos propres syndicats, par les délégués du personnel et ainsi de suite, il y a un abandon complet. Donc on arrive à quoi ? Des situations où on est complètement individualisé, c'est-à-dire que donc on est complètement seul dans la société, on peut même plus faire confiance à notre voisin collègue, et on n'a aucune information. Et déjà le fait d'avoir des informations correctes pour agir nous permet d'obtenir donc le respect de nos droits. C'était sympa quoi, j'avais pas mal de questions à poser et je voulais. Et je pense que voilà quoi, c'est. Tu n'hésites pas. C'était déjà intéressant. Donc voilà, je saurai quoi. Puis de toute façon, j'écoute Radioactif. Je repasserai pour d'autres sujets aussi, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant quoi. Comme ça, quand on aura des questions, voilà. Et ben, y a pas de problème. Et tu en parles à tes collègues. Et justement, c'est là le but d'Actif. Parce que donc nous-mêmes, il faut qu'on se mette toujours en question. On veut jouer donc le rôle de syndicat, mais il faut que donc on ait aussi des adhérents qui partent derrière, posent les bonnes questions, qui nous poussent le pied aux fesses pour aller de l'avant. C'est ce qui s'est produit déjà dans le passé, et c'est là qu'on obtient nos résultats communs. Ouais, bah bon dimanche, hein, et puis bah donc voilà, hein, à une prochaine. Hein. Bon donc, dimanche. Merci, hein. Merci Jeans. Hein. Et de rien. Allez, ouais, salut. De rien. Bonne journée à toi. Ciao. À bientôt. Open Skype, tous les dimanches de 17h à 19h sur Radio Actif. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. L'heure est grave. Si vous voulez dénoncer la désinfo ou chanter, c'est à vous maintenant. À force-le, tout peut venir. Si vous voulez, passez un coup de gueule. C'est à vous maintenant. Putain de bordel, ça fait chier. Si vous voulez, demandez-leur ou posez des questions. C'est à vous maintenant. Quelle heure est-il? Ou tout simplement faire connaître un produit. C'est à vous maintenant. La crème à raser, Frikilax. La crème à raser, Frikilax. C'est toujours mieux qu'un coup d'épée dans la face. Connectez-vous sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif. Vous aurez la possibilité de passer à l'antenne pendant 4 minutes pour faire ce que bon vous semble. Alors à dimanche à 17h heure de Paris ou 11h heure de Québec. Ceci n'est pas une simulation, ceci n'est pas une simulation. C'est Open Skype. Les podcasts seront disponibles sur Tactical FM Live. Dénoncez la désinfo. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte. Je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs japonais est la seule qui ont dénoncé et qui ont critiqué les masses médias normaux. Si vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com, info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation, ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Il est 18h08 sur Radioactif, donc n'hésitez pas à intervenir, connectez-vous sur Skype, vous recherchez le pseudo radio.skype et vous faites une demande pour pouvoir intervenir. On attend. toujours en direct sur Radioactif, il est 18h10, vous êtes en live et rejoignez-nous sur Skype en recherchant radio.skype. Vous pouvez aussi vous connecter directement sur la radio pour ceux qui sont sur ce podcast actuellement et vous êtes beaucoup en allant sur http://radio-actif.ze.cx. Merci. Oui, petit lapsus tout à l'heure, il faut rechercher radio.actif avec un K sur Skype pour pouvoir intervenir sur la radio. Donc connectez-vous sur Skype et recherchez radio.actif. Merci. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatifs. C'est à vous maintenant. Oh putain de merde, ça fait chier, j'en ai marre, je viens de recevoir ma feuille d'impôt et ils vont encore me sucer jusqu'à la moelle. Allez, ciao, remplissez bien votre feuille d'impôt, n'oubliez pas de l'envoyer, sinon ils vont encore vous compter les... Ils vont encore vous compter... Woo! sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. C'est à vous, parlez. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Ça y est, on est en ligne. Ouais, alors tu voulais parler du Fury? C'était sur les jeux vidéo. Et c'était sur la dépendance sur les jeux vidéo. Et pourquoi tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépendants aux jeux vidéo, toi ? Ouais, tu es toujours avec nous, Gif. pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. Allô ? C'est à vous maintenant. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Soyez créatif. C'est à vous maintenant. Donc voilà, tout d'abord, je me présente. Donc c'est Chaki Bouknani, ex-secrétaire général du bureau syndical de Totalcom. Donc effectivement, donc la question aujourd'hui, c'est de lancer un coup de gueule contre un capitalisme. On va dire aux sauvages qui s'organisent en ce moment. Nous connaissons au Maroc l'installation de plusieurs capitaux de différents pays, donc de différents domaines. L'expérience qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui, c'est une expérience de revendication des droits syndicales, de droits, je veux dire, naturels, de droits qui correspondent aux premiers éléments fondamentaux du droit de travail. Nous avons créé un bureau syndical dans notre société, l'ancienne société plutôt Totalocol, qui a été contrée sauvagement avec un arsenal juridique, des fois un arsenal tout simplement de brigands. Puisque effectivement on a utilisé le mensonge, on a utilisé d'autres moyens pour vos comptes. Le collègue marocain. Si on n'agit pas contre ce capitalisme bien organisé qui au fait nous prive de nos droits fondamentaux, le droit de travailler dans un milieu, dans un cadre digne, dans un cadre de fierté, je veux dire que si on fait rien, on se trahit nous-mêmes, on trahit aussi tous les salariés qui se trouvent dans le même cas. On trahit aussi tous les pays du tiers-monde qui vont subir aussi la même organisation, les mêmes attaques du capitalisme qui s'organisent autour de ces pays qui sont faibles de législation et d'institutions. Le premier coup de gueule, on va nommer des noms. Donc là, je trouve que c'est honteux, monsieur Michael Poirier, responsable de plateau sur Total Call, d'agir ainsi, d'agir autant qu'un régisseur. Effectivement, vous n'êtes pas un responsable de plateau, mais vous êtes seulement un régisseur. Un régisseur peut-être de l'époque où Portugal avait des champs de coton au Brésil. En tout cas, vous ne reflétez pas ni le niveau, ni les exigences d'un monde au XXIe siècle. Ces méthodes, tout simplement, de harcèlement moral, de briefing à la sauvage, ne correspondent pas au nouveau cadre humain que nous connaissons. Donc, c'est une honte, effectivement, d'accepter de servir ce capitalisme sauvage, comme vous le faites, M. Michael Poirier. Donc, ça, c'était un mot, je pense, qui va certainement vous révéler votre portrait, vous révéler effectivement votre comportement sur Total Call. Aussi, donc, on va nommer aussi le grand maestro, aussi M. Khalid Jalal. Effectivement, il est vraiment honteux de votre part aussi de trahir le Maroc, de trahir toute cette société marocaine, de trahir cette société de jeunes qui vous ont fait confiance, puisque vous êtes directeur du centre Total Call, mais effectivement vous ne faites que servir les intérêts de Madame Angélique Berge et bien sûr le groupe Iliade, qu'on sait comment il a commencé. Un groupe Iliade, bien sûr, c'est un capitalisme sans âme, hein. Vous avez commencé par Minitel Rose et vous continuez effectivement avec à gagner de l'argent dans le même secteur, hein, en mélangeant sexe et réalité. Je veux dire que Monsieur Khalid Jalal, ces jeunes qui vous font confiance chaque jour, vous les trahissez parce que vous voulez même pas organiser pour eux des élections pour nommer des délégués de personnel. Effectivement, la loi marocaine, la loi 65-99, définit clairement que dans chaque société qui dépasse les 5 salariés, ils ont droit à avoir des délégués de personnel qui ont quand même exprimé leurs revendications, leur attente. Vous faites un blocus. Vous ne voulez pas organiser ces élections. Vous êtes effectivement en illégalité. Vous profitez du fait que ces institutions d'inspection de travail sont pour l'instant dans une phase préliminaire, puisque la loi elle est date de 2004 et donc effectivement les institutions sont encore lentes pour venir vous contrôler et effectivement vous mettre peut-être en arrêt parce que l'exploitation, puisque le centre, cette entreprise Total Call ignore tous ces droits fondamentaux des salariés. Donc un grand salut pour Monsieur Jens qui s'est battu tout seul en France, qui s'est battu aussi contre des trahisons du syndicat, sans nommer les noms. Donc aussi avec qui nous avons pu quand même réaliser une syndicalisation universelle. Si le capitalisme nous rattrape par une mondialisation, nous pouvons aussi, nous, en tant que personnes porteuses de liberté, l'idée de liberté, de fierté, de fraternité, effectivement, d'organiser un syndicat, disons, une mondialisation à l'envers, une syndicalisation mondiale, pourquoi pas, pour lutter contre ce capitalisme sauvage. Voilà, donc là, c'était le mot du jour, le coup de colère du jour. Nous reviendrons peut-être sur les questions plus explicitement. C'est donc à une prochaine fois. Merci Jens. Et merci Radioactif. Salut. Soyez créatif. Allô. Salut, salut. C'est à vous maintenant. Oui, camarade. Salut, camarade. Donc, on est en live. D'accord. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ouais, très bien. Maintenant, vous voulez. Alors, on veut revenir sur la question d'aujourd'hui aussi. Allô, Jens. Oui, vas-y. Oui, j'écoute. Donc, tout à l'heure, on a fait un coup de gueule par rapport à ce qu'on a nommé le capitalisme sauvage. Donc, mon expérience est personnelle. Donc, je vous présente donc Chakib Bouknani, secrétaire général d'un bureau syndical dans une entreprise marocaine qui réalise une prestation délocalisée de la France. Hein. Donc, le capitalisme français s'est organisé dernièrement pour délocaliser presque tous les centres d'appel parce que les conditions étaient extrêmes, parce qu'ici en France avec des lois telles que la loi 35 heures ils ont vu qu'il était très très judicieux pour eux de basculer sur des pays tels que le Maroc, Tunisie, Sénégal et autres des pays de la francophonie. Au Maroc nous travaillons à peu près en mois 192 heures pour à peu près le quart du salaire qu'on peut gagner ici en France. Alors avec des conditions extrêmes, avec un briefing, je veux dire aussi à la sauvage, un briefing extrême. Vous êtes tout le temps sollicité par des responsables de plateau, par des responsables d'équipe qui vous suivent à la lettre, au mouvement près. On va dire qu'on est constamment sollicité, que l'application qui gère les appels est une complication, est une fonction qui continue. Dans le sens où vous avez des appels qui se réitèrent à la minute, donc nous sommes payés à la minute et avec un tarif vraiment dérisoire, avec aussi une pression psychologique, avec une pression morale, avec de l'harcèlement moral sur place. Et tout ça, bien sûr, n'arrivait pas aux autorités marocaines qui avaient comme premier souci d'engager, de trouver du boulot pour une jeunesse. Qui s'est investi dans les études. Donc un petit peu c'est le cadre général Jens de ce capitalisme, je veux dire de ce nouvel ère, hein, de ce nouvel ère du 21e siècle qui est né et qui prend de l'ampleur sur de tels pays. Si on veut... Le son passe un peu moins bien. Alors, là, vous m'entendez mieux ? Oui, là c'est bon. Voilà, si on peut nommer des noms, donc comme j'ai dit tout à l'heure dans mon coup de colère, donc je nommerai plutôt le monsieur Michael Poirier, responsable plateau dans la même entreprise UMT Total Call. Donc ce responsable plateau a accepté de jouer ce rôle de régisseur. Donc la France, bien sûr, a des valeurs. La France, elle était toujours porteuse de valeurs, d'égalité, de fraternité. Mais ce monsieur a accepté de montrer d'autres valeurs. C'est plutôt des valeurs de régisseur, un régisseur de serrer sur place tous ses salariés, de ne pas se préoccuper de leurs besoins, de même pas les considérer en tant qu'être humain, puisque il leur impose des conditions, on va dire, extrêmes, de venir pendant leurs fêtes religieuses, de se présenter. Pardon, le 1er mai, on ne connaît plus. Est-ce que vous savez que le 1er mai n'est plus célébré dans de telles entreprises? Donc, le 1er mai, qui est quand même une journée mondiale hein, pour les travailleurs, c'est un acquis quand même du monde du travail. On a même pu constater, si vous m'entendez... Et ce n'est pas accordé dans ces entreprises qui profitent de ce cadre juridique faible, de ces institutions qui démarrent en lenteur. Bien, donc nous avons nommé ce monsieur Michael Poirier, et ben on lui dit que c'est vraiment c'est une trahison, il se trahit à lui-même, il se trahit aux valeurs françaises. Tout ça pour servir ce capitalisme, pour servir madame Angélique Verge, pour servir le groupe Iliad. Qui est sans merci, qui est sans âme et qui agit de cette manière dans ces pays. Donc là, dernièrement, nous avons su que on ne respecte même pas l'ancienneté d'un salarié, puisque là, il y a entreprise après entreprise qui se crée, donc nouveaux contrats, donc démission ou recyclage des salariés sans se préoccuper de leur avenir. Donc là, pour mes collègues marocains, il était temps d'agir avant, il est toujours temps d'agir. Posez-vous bien la question, quel avenir vous avez dans de telles sociétés? Organisons-nous. Il y a toujours très bons esprits dans les deux pays qui militent pour la liberté, qui militent aussi pour la dignité et la fierté. Deux notions qui sont indispensables dans le monde du travail. Yann, est-ce que tu as d'autres questions? C'est-à-dire que je voudrais revenir sur un point, Chekib, concernant quand on s'est retrouvé. Donc, on avait donc les mêmes revendications, les mêmes constats, donc au sein des deux, trois sociétés, donc sur lesquelles on travaillait. C'est-à-dire que donc au départ, déjà, donc les droits de base syndicaux sont complètement bafoués. Nous parlons donc de l'équivalence. Il n'y a pas de local syndical. Tout récemment, il y a un nouveau local syndical qu'on a pu obtenir. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois, après X années, donc on a pu obtenir un local. Mais donc depuis des années, on avait les mêmes exigences outre Méditerranée et ici en France, c'était pareil. Et c'est pareil pour les autres droits syndicaux de base. Et ça, c'est vraiment un vraisemblable. Je veux dire, en France, quand même, je veux dire, qui connaît la militance syndicale depuis des années. Ne pas avoir un local pour le bureau syndical dans une entreprise où vous faites combien de salariés? Vous êtes combien de salariés ici en France, Jens? Sur le centre d'appel, on a à Paris, on a à peu près 500 personnes. Sur les autres plateformes, pareil, quoi. Donc là, il faut avoir toutes les IRP. Alors, pour une société qui compte plus de 500 salariés, vous n'avez même pas un bureau syndical qui permet effectivement les premiers éléments, l'affichage, l'organisation, les réunions des délégués de personnel. Donc franchement, on est vraiment en retard en France. Là, on parle même pas pour le Maroc, parce que là, pour le Maroc, on va nommer aussi le deuxième nom, c'est monsieur le directeur général, monsieur Khalid Jelal, qui se trahit lui-même, qui trahit la confiance de tous ces jeunes qui lui ont fait confiance, puisque lui, il dirige ce centre et qui refuse jusqu'ici d'organiser des élections pour élire effectivement des délégués de personnel. Donc là, effectivement, au Maroc, on est encore en retard par rapport à ce point. Mais là, en France, c'est un vraisemblable. C'est une régression. C'est une régression. C'est une régression. C'est une régression. Effectivement, on peut parler de régression. Même pas ne pas avoir un local au sein d'une société pour s'organiser correctement, pour accueillir les délégués de personnel qui sont élus, qui sont nommés. Je veux dire que là, on est vraiment en retard. Saluons le travail. Paris, avec l'expérience, la première expérience ouvrière. Saluons quand même le travail qui a été fait donc de différentes personnes qui sont encore de bonne volonté. Donc là, récemment, comme je t'ai dit, donc on a pu obtenir un local syndical depuis un mois qui est digne de ce nom, qui est quand même plus grand. Donc apparemment, les choses commencent à s'arranger, mais sous pression constante et un travail continu de terrain, donc des différentes personnes qui sont, comme je disais, encore de bonne volonté. Donc je voudrais quand même saluer le travail qui a été effectué par une personne, donc au niveau d'un syndicat, qui a fait le nécessaire. Maintenant, c'est surtout aux salariés eux-mêmes de prendre ces outils en main, parce que aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris que donc c'est par ce biais-là qu'on peut faire plier la direction sur certaines de nos requêtes qui sont justifiées. Donc c'est à nous de le faire. C'est comme je disais. Un grand salut aussi à toi, puisque effectivement tu as pu mener à bord ce fameux procès, puisque vous avez découvert que la société ne respectait pas la loi IFL, la loi informatique fichier liberté qui prévoit que pour chaque salarié, pour tout fichier, de mettre une déclaration à la CNIL. Effectivement là, c'est un grand salut pour vous d'avoir pioché dans les coulisses de cette société, d'avoir mis en procès cette société pour illégalité par rapport au dossier de la CNIL, par rapport au dossier des déclarations. Tout à fait, sachant que donc là aussi, tout récemment. Oui, mais donc c'est là justement, je dirais que donc. Cette entreprise sur ce point pointueux, je veux dire, ce n'était pas facile. Non, sachant que donc les questions qu'on posait par les DP, elles étaient bien ficelées pour que donc on ait une réponse quand même qui soi-disant était positive, que tout était en règle, qu'il fallait encore se taire. Mais en avançant, on découvre des choses toutes simples donc qui sont pas en règle, comme par exemple toujours le panneau d'affichage pour les différents syndicats. C'est les éléments de base, ce sont les éléments élémentaires. Donc c'est vrai que pour une société qui ne respecte même pas ces éléments élémentaires, on peut se poser la question, qu'en est-il des autres revendications ? Exactement. Qu'en est-il aussi des conditions de travail ? Je dirais que donc c'est là où réside le travail pour tout militant actif, même s'il n'est pas encore présent dans un syndicat de base, dans une société. Donc il peut poser des questions toutes simples. Est-ce qu'on a donc l'affichage qui est en correspondance à ce que la loi exige ? Si c'est pas le cas, il faut le dénoncer. Il faut mettre sous pression ses délégués du personnel, il faut mettre sous pression le CE, CHT, et ainsi de suite. Et vous allez découvrir dans les choses toutes simples, le béaba du syndicalisme, des choses qui sont complètement aberrantes. Il faut agir pour ne pas régresser ici en France, mais il faut agir également, comme tu le disais, donc à l'étranger, sur ces éléments-là, parce qu'il y a un droit, mais que donc tout le monde bafoue sous le terme du politiquement correct, c'est-à-dire que donc on va pas le faire, on va encore donner raison, ils sont encore de bonne volonté, et ainsi de suite. Non. C'est des choses de base. Faisons-les respecter. Point. Et là, donc, on aura peut-être déjà donc une autre relation avec la direction. C'est toujours un camp différent que le nôtre. Pourquoi ? Parce que les intérêts de la direction sont complètement différents des nôtres. Ça, il faut bien se rendre compte. Effectivement, donc là, pour un capitalisme qui ne se respecte pas, effectivement, c'est la rentabilité à tout prix. Donc, c'est la recherche sauvage de rentabilité. Donc, ça, on l'a bien compris. Et ça se reflète aussi sur ce groupe Iliade. Hein, donc, mon chapeau, on va dire, M. Xavier Niel, qui a su embaucher des régisseurs qui œuvrent pour la gloire sauvage, on va dire, de ce capitalisme. Donc, un message aussi pour nos collègues marocains. N'attendez pas d'être broyés par la machine. Vous avez vu que cette délocalisation ne se préoccupe pas du tout de votre avenir. Vous avez vu qu'on change d'entité à chaque fois, donc renouvellement de contrat à n'importe quel moment, donc pas d'ancienneté, pas de droit préalable. Donc c'est le temps de réagir, c'est le temps de s'organiser, La seule méthode, il n'y a pas autre chose, c'est de s'organiser en tant que bureau syndical, de monter vraiment des équipes sur place, des cellules de revendication. Il faut revendiquer. Exactement, et puis donc se tenir au courant, éviter qu'on soit individualisé, mis de côté dans notre propre petit coin, faire alliance avec les autres personnes qui ont les mêmes revendications au niveau international, comme on l'a fait, tout simplement, et on découvre des choses qui sont basiques. C'est ça la preuve. Effectivement, merci pour cette coopération, et le fait d'avoir créé ensemble ce mode de syndicalisme, on va dire, mondial. C'est une mondialisation, on va dire, à l'envers, nous rattrapant le capitalisme. Donc on peut tout s'organiser. Tout à fait. Il faut que donc on soit actif. On soit actif. Ouais. On peut militer ensemble. On soit actif donc au niveau des informations. Oui, tout à fait. C'est un échange. L'échange d'informations est très important, puisque effectivement l'échange d'informations est stratégique pour nos deux peuples. Que ça soit le bureau syndical qui est sur CASA ou les nouvelles décisions qui vont être prises sur les bureaux syndicaux d'ici en France. Donc effectivement, il faut essayer d'échanger le maximum d'informations, de faire pression sur place. Ces informations sont importantes, elles montreront aux dirigeants, aux responsables, que les salariés ne dorment pas sur leurs oreilles, qu'ils sont veillants à leur militance. Pour maintenant tous les auditeurs qui nous écoutent, hein, vous avez donc entendu ce qu'on a pu faire déjà ensemble au niveau de centre d'appel. Nous appelons également nos collègues avec qui nous sommes déjà en contact chez Téléperformance, Webhelp et autres sociétés de nous contacter par notre site www.actif.fr. Vous avez donc votre radio qui est ouverte, vous avez différentes fonctionnalités. Pour nos adhérents cotisants, les cotisations mensuelles sont de 9,90€ pour la France, déductibles des impôts, partiellement déductibles des impôts, il faut le savoir, donc 66% sont déductibles. Vous avez donc des informations, des aides, de l'entraide, ça va donc de l'aide juridique, de l'accompagnement au niveau des entretiens préalables, l'échange d'informations au niveau international qui peuvent s'accélérer comme vous avez pu le constater. Donc c'est à vous d'agir. Toute société confondue, c'est pas uniquement centré sur les centres d'appel, comme je l'avais déjà dit, c'est pour d'autres sociétés également. Je voudrais aussi faire un petit coucou à notre caporal John au Canada, qui a fait le nécessaire déjà pour mettre en route les différentes idées, de nous aider à, je dirais, à tout niveau, de relayer nos informations. Shakib, tu as fait part également d'un premier contact. Bien sûr, bien au sûr. Niveau international. Bonjour avec à caporal John, qui nous tout assiste, qui nous diffuse toutes nos informations sur Sky Radio au Canada. Sachez que donc ce mode d'agir par le biais d'Internet avec notre site et la radio, c'est un outil moderne qui est à votre disposition. Ça va au-delà des panneaux d'affichage, du travail syndical de base dans les sociétés qui est souvent noyauté par la direction. Alors on sait de quoi on parle, donc sur Internet, vous avez cette possibilité d'avoir donc des informations qui se divulguent d'une manière très rapide, que vous pouvez vérifier par vous-même par après dans les jours qui suivent, et vous le verrez d'ailleurs avec l'information qu'on a transférée en premier sur notre site ici en France. Et donc c'est un outil maintenant à nous tous d'agir. Donc contactez-nous par Actif. Si vous voulez contacter notre collègue Shakib, donc vous avez également la possibilité de le faire par notre site. Il a donc une section au sein de notre site, donc avec les membres adhérents. Effectivement, Jens, donc là, on avait déjà mis en place, donc il y a tous nos adresses e-mail sur le site. J'encourage mes collègues marocains de s'organiser, de sortir d'un individualisme qui tue, de penser à leur avenir, de refuser de se trahir à eux-mêmes. Il faut militer, il faut obtenir ses droits,

simulation. Le www.sectorfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale.